Après la mort de la comtesse, je demeurais, comme vous le pensez bien, en bon terme avec Savigny, puisque j'avais fait tant que de prêter l'appui de mon affirmation à la fable imaginée par eux pour expliquer l'empoisonnement, ils n'avaient pas d'intérêt à m'écarter, et moi j'en avais un très grand à connaître ce qui allait suivre, ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient devenir. J'étais horripilé, mais je bravais mes horripilations. Ce qui suivit, ce fut d'abord le deuil de Savigny, lequel dura les 2 ans d'usage, et que Savigny porta de manière à confirmer l'idée publique qu'il était le plus excellent des maris, passé, présent et futur. Pendant ces 2 ans, il ne vit absolument personne. Il s'enterra dans son château avec une telle rigueur de solitude que personne ne sut qu'il avait gardé à Savigny Eulalie, la cause involontaire de la mort de la comtesse, et qu'il aurait dû, par convenance seule, mettre à la porte, même dans la certitude de son innocence. Cette imprudence de garder chez soi une telle fille, après une telle catastrophe, me prouvait la passion insensée que j'avais toujours soupçonnée dans Serlon. Aussi ne fus-je nullement surpris quand un jour, en revenant d'une de mes tournées de médecin, je rencontrai un domestique sur la route de Savigny, à qui je demandai des nouvelles de ce qui se passait au château, et qui m'apprit que Lalie y était toujours. À l'indifférence avec laquelle il me dit cela, je vis que personne, parmi les gens du comte, ne se doutait que Lalie fût sa maîtresse. « Ils jouent toujours serré, me dis-je, mais pourquoi ne s'en vont-ils pas du pays? Le comte est riche, il peut vivre grandement partout. Pourquoi ne pas filer avec cette belle diablesse? En fait de diablesse, je croyais à celle-là. Qui pour le mieux crocheter a préféré vivre dans la maison de son amant, au péril de tout, que d'être sa maîtresse avée, dans quelque logement retiré, où il serait allé bien tranquillement la voir en cachette? Il y avait là un dessous que je ne comprenais pas. Leur délire, leur dévorement d'eux-mêmes, étaient-ils donc si grands qu'ils ne voyaient plus rien des prudences et des précautions de la vie? Hauteclerc, que je supposais plus forte de caractère que Serlon, Hauteclerc, que je croyais l'homme des deux dans leur rapport d'amant, voulait-elle rester dans ce château où on l'avait vue servante et où l'on devait l'avoir maîtresse et en restant, si l'on apprenait, si cela faisait un scandale, préparer l'opinion à un autre scandale bien plus épouvantable, son mariage avec le comte de Savigny? Cette idée ne m'était pas venue à moi, si elle lui était venue à elle, en cet instant de mon histoire. Hauteclerc Stassin, fille de ce vieux pilier de salle d'armes, la pointe au corps, que nous avions tous vu à V, donnait des leçons et se fendra fond en pantalon collant, comtesse de Savigny. Allons donc, qui aurait cru à ce renversement, à cette fin du monde? Oh, pardieu, je croyais très bien, pour ma part, in petto, que le concubinage continuerait d'aller son train entre ces 2 fiers animaux. Qui avaient au premier coup d'œil reconnu qu'ils étaient de la même espèce et qui n'avaient osé l'adultère sous les yeux même de la comtesse. Mais le mariage effrontément accompli au nez de Dieu et des hommes, mais ce défi jeté à l'opinion de toute une contrée outragée dans ses sentiments et dans ses mœurs, j'en étais d'honneur. À 1000 lieues et si bien que quand au bout des 2 ans du deuil de Serlon, la chose se fit brusquement, le coup de foudre et la surprise me tomba sur la tête, comme si j'avais été l'un de ces imbéciles qui ne s'attendent jamais à rien de ce qui arrive, et qui, dans le pays, se mirent alors à piauler comme les chiens, fouettés dans la nuit, piaulent au carrefour. Du reste, en ces 2 ans du deuil de Serlon, si strictement observé, et qui fut, quand on en vit la fin, si furieusement taxé d'hypocrisie et de bassesse, je n'allais pas beaucoup au château de Savigny. Qui serais-je allé faire? On s'y portait très bien, et jusqu'au moment peu éloigné peut-être, où l'on m'enverrait chercher nuitamment, pour quelque accouchement qu'il faudrait bien cacher encore. On n'y avait pas besoin de mes services. Néanmoins, entre-temps, je risquais une visite au comte. Politesse doublée de curiosité éternelle. Serlon me recevait ici ou là, selon l'occurrence où il était, quand j'arrivais. Il n'avait pas le moindre embarras avec moi. Il avait repris sa bienveillance. Il était grave. J'avais déjà remarqué que les êtres heureux sont graves. Ils portent en eux attentivement leur cœur, comme un verre plein, que le moindre mouvement peut faire déborder ou briser. Malgré sa gravité et ses vêtements noirs, Serlon avait dans les yeux l'incoercible expression d'une immense félicité. Ce n'était plus l'expression du soulagement et de la délivrance qui y brillait, comme le jour où, chez sa femme, il s'était aperçu que je reconnaissais Hauteclerc, mais que j'avais pris le parti de ne pas la reconnaître. Non, parbleu, c'était bel et bien du bonheur, quoique en ces visites cérémonieuses et rapides, nous ne nous entretiensions que de choses superficielles et extérieures. La voix du comte de Savigny, pour les dire, n'était pas la même voix qu'au temps de sa femme. Elle révélait à présent, par la plénitude presque chaude de ses intonations, qu'il avait peine à contenir des sentiments qui ne demandaient qu'à lui sortir de la poitrine. Quant à Hauteclerc, toujours Eulalie et au château, ainsi que me l'avait dit le domestique, je fus assez longtemps sans la rencontrer. Elle n'était plus quand je passais dans le corridor où elle se tenait du temps de la comtesse, travaillant dans son embrasure. Et pourtant, la pile de linge à la même place, et les ciseaux, et l'étui, et le dé sur le bord de la fenêtre, disaient qu'elle devait toujours travailler là, sur cette chaise vide et tiède peut-être, qu'elle avait quittée m'entendant venir. Vous vous rappelez que j'avais la fatuité de croire qu'elle redoutait la pénétration de mon regard, mais à présent elle n'avait plus à la craindre. Elle ignorait que j'eusse reçu la terrible confidence de la comtesse. Avec la nature audacieuse et altière que je lui connaissais, elle devait même être contente de pouvoir braver la sagacité qui l'avait devinée. Et de ce fait, ce que je présumais était la vérité, car le jour où je la rencontrais enfin, elle avait son bonheur écrit sur son front, d'une si radieuse manière, qu'en y répandant toute la bouteille d'encre double avec laquelle elle avait empoisonné la comtesse, on n'aurait pas pu l'effacer. C'est dans le grand escalier du château que je la rencontrais cette première fois. Elle le descendait et je le montais. Elle le descendait un peu vite, mais quand elle me vit, elle ralentit son mouvement, tenant sans doute à me montrer fastueusement son visage, et à me mettre bien au fond des yeux, ces yeux qui peuvent faire fermer ceux des panthères, mais qui ne firent pas fermer les miens. En descendant les marches de son escalier, ses jupes flottant en arrière, sous les souffles d'un mouvement rapide, elle semblait descendre du ciel. Elle était sublime d'air heureux. Ah, son air était à 15 000 lieues au-dessus de l'air de Serlon. Je n'en passais pas moins sans lui donner signe de politesse, car si Louis XIV saluait les femmes de chambre dans les escaliers, ce n'étaient pas des empoisonneuses. Femme de chambre, elle l'était encore ce jour-là, de tenue, de mise, de tablier blanc. Mais l'air heureux de la plus triomphante et despotique maîtresse avait remplacé l'impassibilité de l'esclave. Cet air-là ne l'a point quitté. Je viens de le revoir, et vous avez pu en juger. Il est plus frappant que la beauté même du visage sur lequel il resplendit. Cet air surhumain de la fierté dans l'amour heureux qu'elle a dû donner à Serlon, qui d'abord, lui, ne l'avait pas, elle continue après 20 ans de l'avoir encore, et je ne l'ai vu ni diminuer ni se voiler un instant sur la face de ces deux étranges privilégiés de la vie. C'est par cet air-là qu'ils ont toujours répondu victorieusement à tout, à l'abandon, aux mauvais propos, au mépris de l'opinion indignée, et qu'ils ont fait croire à qui les rencontre que le crime dont ils ont été accusés, quelques jours n'était qu'une atroce calomnie. « Mais vous, docteur, interrompis-je, après tout ce que vous savez, vous ne pouvez pas vous laisser imposer par ces terres-là. Vous ne les avez pas suivis partout. Vous ne les voyez pas à toute heure. Excepté dans leur chambre à coucher, le soir. Ce n'est pas là qu'ils le perdent, fit le docteur Torti, gaillard mais profond. Je les ai vus, je crois bien, à tous les moments de leur vie, depuis leur mariage, qu'ils allèrent faire je ne sais où, pour éviter le charivari que la populace devait, aussi furieuse à sa façon que la noblesse à la sienne, se promettait de leur donner. » Quand il revint, marié, elle authentiquement comtesse de Savigny, et lui absolument déshonoré par un mariage avec une servante, on les planta là, dans leur château de Savigny. On leur tourna le dos. On les laissa se repaître d'eux, tant qu'ils voulurent. Seulement, ils ne s'en sont jamais repus, à ce qu'il paraît. Encore tout à l'heure, leur fin d'eux-mêmes n'est pas assouvie. Pour moi, qui ne veux pas mourir en ma qualité de médecin, sans avoir écrit un traité de thératologie, et qu'ils intéressaient, comme des monstres, je ne me mis point à la queue de ceux qui les fuyaient. Lorsque je vis la fausse Eulalie parfaitement comtesse, elle me reçut comme si elle l'avait été toute sa vie. Elle se souciait bien que j'eusse dans la mémoire le souvenir de son tablier blanc et de son plateau. « Je ne suis plus Eulalie, me dit-elle, je suis Hauteclerc, Hauteclerc heureuse d'avoir été servante pour lui. » Je pensais qu'elle avait été bien autre chose, mais comme j'étais le seul du pays qui fût allé à Savigny quand ils y revinrent, j'avais toute honte bue, et je finis par y aller beaucoup. Je puis dire que je continuais de m'acharner à regarder et à percer dans l'intimité de ces deux êtres. Si regardés, si complètement heureux par l'amour. Eh bien, vous me croirez, si vous voulez, mon cher, la pureté de ce bonheur, souillé par un crime dont j'étais sûr, je ne l'ai pas vu, je ne dirais pas terni, mais assombri une seule minute dans un seul jour. Cette boue d'un crime lâche qui n'avait pas eu le courage d'être sanglant, je n'en ai pas une seule fois aperçu la tache sur l'azur de leur bonheur. C'est à terrasser, n'est-il pas vrai? Tous les moralistes de la terre, qui ont inventé le bel axiome du vice puni et de la vertu récompensée, abandonnés et solitaires comme ils l'étaient, ne voyant que moi, avec lequel ils ne se gênaient pas plus qu'avec un médecin devenu presque un ami, à force de hantise, Il ne se surveillait point. Il m'oubliait et vivait très bien. Moi, présent, dans l'enivrement d'une passion à laquelle je n'ai rien à comparer, voyez-vous, dans tous les souvenirs de ma vie. Vous venez d'en être le témoin, il n'y a qu'un moment. Ils sont passés là, et ils ne m'ont pas même aperçu, et j'étais à leur coude. Une partie de ma vie avec eux, ils ne m'ont pas vu davantage. Poli, aimable, mais le plus souvent distrait, leur manière d'être avec moi était telle que je ne serais pas revenu à Savigny si je n'avais tenu à étudier microscopiquement leur incroyable bonheur, et à y surprendre, pour mon édification personnelle, le grain de sable d'une lassitude, d'une souffrance, et disons le grand mot, d'un remords. Mais rien, rien. L'amour prenait tout, emplissait tout, bouchait tout en eux, le sens moral et la conscience. Comme vous dites, vous autres, et c'est en les regardant, ces heureux, que j'ai compris le sérieux de la plaisanterie de mon vieux camarade Brousset, quand il disait de la conscience. Voilà 30 ans que je dissèque et je n'ai pas seulement découvert une oreille de ce petit animal-là. Et ne vous imaginez point, continua ce vieux diable de docteur Torty, comme s'il eût lu dans ma pensée, que ce que je vous ai dit là, c'est une thèse, la preuve d'une doctrine que je crois vraie, et qui nie carrément la conscience comme la niait Brousset. Il n'y a pas de thèse ici. Je ne prétends point entamer vos opinions. Il n'y a que des faits qui m'ont étonné autant que vous. Il y a le phénomène d'un bonheur continu, d'une bulle de savon qui grandit toujours et qui ne crève jamais. Quand le bonheur est continu, c'est déjà une surprise. Mais ce bonheur dans le crime, c'est une stupéfaction. Et voilà 20 ans que je ne reviens pas de cette stupéfaction-là. Le vieux médecin, le vieux observateur, le vieux moraliste, ou immoraliste, reprit-il voyant mon sourire, est déconcerté par le spectacle auquel il assiste depuis tant d'années, et qu'il ne peut pas vous faire voir en détail, car s'il y a un mot traînaillé partout, tant il est vrai, c'est que le bonheur n'a pas d'histoire. Il n'a pas plus de description. On ne peint pas plus le bonheur, cette infusion d'une vie supérieure, dans la vie qu'on ne saurait peindre la circulation du sang dans les veines. On s'atteste au battement des artères, qui y circulent, et c'est ainsi que je m'atteste le bonheur de ces deux êtres que vous venez de voir. Ce bonheur incompréhensible auquel je tâte le pouls depuis si longtemps. Le comte et la comtesse de Savigny refont tous les jours, sans y penser, le magnifique chapitre de l'amour dans le mariage de Madame de Staël, ou les vers plus magnifiques encore du paradis perdu dans Milton. Pour mon compte, à moi, je n'ai jamais été bien sentimental ni bien poétique, mais ils m'ont, avec cet idéal réalisé par eux, et que je croyais impossible, dégoûté des meilleurs mariages que j'ai connus, et que le monde appelle charmants. Je les ai toujours trouvés si inférieurs aux leurs, si décolorés et si froids. La destinée, leur étoile, le hasard, qu'est-ce que je sais, a fait qu'ils ont pu vivre pour eux-mêmes. Riches, ils ont eu ce don de l'oisiveté sans laquelle il n'y a pas d'amour, mais qui tue aussi souvent l'amour, qu'elle est nécessaire pour qu'ils naissent. Par exception, l'oisiveté n'a pas tué le leur. L'amour, qui simplifie tout, a fait de leur vie une simplification sublime. Il n'y a point de ces grosses choses qu'on appelle des événements dans l'existence de ces deux mariés qui ont vécu, en apparence, comme tous les châtelains de la terre, loin du monde auquel ils n'ont rien à demander, se souciant aussi peu de son estime que de son mépris. Ils ne se sont jamais quittés. Où l'un va, l'autre l'accompagne. Les routes des environs de V revoient Hauteclerc à cheval, comme du temps du vieux la pointe au corps, mais c'est le comte de Savigny qui est avec elle. Et les femmes du pays qui, comme autrefois, passent en voiture, la dévisagent plus encore peut-être que quand elle était la grande et mystérieuse jeune fille, au voile bleu sombre, et qu'on ne voyait pas. Maintenant, elle lève son voile et leur montre hardiment le visage de servante qui a su se faire épouser, et elle rentre indignée mais rêveuse. Le comte et la comtesse de Savigny ne voyagent point. Ils viennent quelquefois à Paris, mais ils n'y restent que quelques jours. Leur vie se contente donc tout entière dans ce château de Savigny, qui fut le théâtre d'un crime dont ils ont peut-être perdu le souvenir, dans l'abîme sans fond de leur cœur. « Et ils n'ont jamais eu d'enfant, docteur, lui dis-je. » « Ah, fit le docteur Torty, vous croyez que c'est là qu'est la fêlure, la revanche du sort, et ce que vous appelez la vengeance ou la justice de Dieu ? Non, ils n'ont jamais eu d'enfant, souvenez-vous. Une fois, j'avais eu l'idée qu'ils n'en auraient pas. Ils s'aiment trop, le feu qui dévore, consume et ne produit pas. Un jour, je le dis à Hauteclerc, « Vous n'êtes donc pas triste de n'avoir pas d'enfant, madame la comtesse ?»« Je n'en veux pas, » fit-elle impérieusement. « J'aimerais moins un serlon. » Les enfants, ajouta-t-elle, avec une espèce de mépris, sont bons pour les femmes malheureuses. Et le docteur Torty finit brusquement son histoire sur ce mot, qu'il croyait profond. Il m'avait intéressé, et je le lui dis. Tout de criminel qu'elle soit, fis-je, on s'intéresse à cette Hauteclerc. Sans son crime, je comprendrais l'amour de Serlon. et peut-être même avec son crime, dit le docteur. Et moi aussi, ajouta-t-il le hardi bonhomme.